directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les parents, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 17 au 23 janvier 2011. Mon nom est Mathieu Plante. Cette semaine, on n'a pas beaucoup de nouvelles entrées, seulement une du côté franco, c'est la formation Cri du chat avec l'Auberge sanglante. On va entendre ça dans quelques secondes, mais avant, voici le plan de l'émission. Stéphanie Gagné va nous rejoindre d'ici la fin de l'émission pour sa chronique artistique et culturelle Guess What. Il va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis. Ça, c'est dans environ 2 heures et un petit peu plus. Hein, l'émission dure 3 heures, c'est comme aux 2/3. C'est comme étape par étape, là, on va se rendre jusqu'à la position numéro 1 de chaque côté, ça va être génial. Donc, commençons, comme je disais, avec la seule et unique position nouvelle francophone. Cri du chat, l'Auberge sanglante, 89.1 FM, les palmarès, c'est fou. Hein? Voulez-vous de la bonne musique? C'est crazy, crazy, crazy! Ceux qui n'ont pas entendu la pub n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Crazy, crazy, crazy! Skids de Our Book and the Authors, position numéro 20, ça descend de 17 places du côté anglophone. Avant ça, c'était la nouvelle pièce du Cri du Chat. Elle s'appelle L'Auberge sanglante. Je ne connaissais pas Cri du Chat, mais j'en apprends plus sur leur site web, myspace.com/Cri du Chat Band. Oui, c'est un groupe de Montréal. On est rendu au 19e place du côté anglophone. Ça descend de 2, Rara Riot avec Too Dramatic. Mais avant ça, voici les frères Goyette qui descendent de 10 places. Mercury, Pierre Mercure au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Froid de canard et février demeure le mois le plus tough. Et dame nature pousse sa loque. Voilà que les plus braves déblaient la glace et mettent la table. Le hockey est à la carte. Et certains disent qu'un prodige serait au vestiaire. Un bulbe de tulipes oui, sous un gros pied de terre. Un genre de qui la fleur évoluant pour sa prospère. Mais qui patine pas, qui joue en musique. Mmh.

shine in the darkest of times. Harvest divine, plant seeds for future to find. In my heart, I'ma keep you in mind just to get by. Cause an image of you's enough to get high. Et la pièce You Stable en 18e position anglophone sur leur album The Garden. Avant ça, c'était Danny Placard avec Ariane qui descend de 3 places. C'est sur l'album Placard. Vous êtes au Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. On est rendu au 17e place du côté anglo. C'est Close Make the Man avec Dreamless Nights. Ça descend d'une place. Mais tout de suite, c'est stable. Voici Ripé et Rockstar. Retour Tokyo Police Club, Chantal Archambault et Ariel dans les Palmarès C'est Fou au 89 FM. À l'UQTR, C'est fou dans vos oreilles. Numéro 17. The whole world's watching. The whole world wants so much more. All you hold so dear. You better learn to hold it near. Great waves of industry. Great waves rise up as we sprawl. Can someone hear me? I know someone can hear me. The whole world's watching. The whole world wants bridge collapsing. Planes come crashing and safety rail. Tame your envy of people who seem to be in control. Car exhaust pipes. We are in one big incubator. I know you can hear me. I know you can hear me. We're tired of having dreamless nights. We're tired of having dreamless nights. We're tired of avoiding fights. The whole world's watching. The whole world wants so much more. The whole world's watching. The whole world wants so much Dreamless Nights de la formation Clouds Make the Man, position numéro 17 anglophone. Ça descend d'une place au palmarès, c'est fou. Et avant, du côté franco, c'était Ripé avec Rockstar. C'est stable, c'est sur l'album qui se nomme aussi Ripé. Mm-hmm. Comme je te disais, ben, c'est les palmarès, c'est fou. C'est un condensé de la meilleure musique que c'est pour vous offrir. C'est pas bien compliqué. Là. C'est un top 20 francophone, un top 20 anglophone. On commence par la fin, on se rend au début. C'est que le nom décompte ou palmarès vient de là. C'est qu'on compte jusqu'au numéro 1. Hein? Logique comme ça. Position numéro 16 du côté anglo, c'est Tokyo Police Club avec Favorite Color. Ça descend malheureusement de 8 places, mais avant ça, voici Chantal Archambault qui, elle, descend de 4 avec Panache sur C'est Fou, dans vos oreilles et sur Internet au www.cestfou.ca. Je t'ai perdu, ton camouflage est trop fort. Et si je reprendrai le nord avant que la nuit vole ton ombre et mon chemin aussi. Mais lors de mon retour, mon amour, mes hauts talons, j'ai cassé. Et si je ne pourrai déposer mes yeux dans tes yeux si hautement perchés, dès lors, jamais plus je ne m'arrête.

numéro 14. I went out into the darkness. Darkness turned to light. And when I found my freedom, he said that freedom wasn't mine. I crossed the mighty ocean to watch you from afar. I climbed the highest mountain to see just where you are. Say you, say you, say you. Why? Say you, say you, say you. Imaginary Cities avec Say You en position numéro 14 du palmarès anglophone. Avant ça, du côté franco, c'était Alexandre Desilets avec Le souffle court, stable de ce côté-là. C'est la fin de la première heure des palmarès. C'est fou, il y en a une deuxième juste après la pause. Il va y avoir des artistes comme Ariel, Cafard, Golden Collider, Vulgaire Machin, The Gaslight Anthem, Chili Gonzalez, Nans & Nat et Winter Sleep. Alors restez avec nous, c'est les palmarès. C'est fou. Oh, puis ça va être là. Elle va être là. Ben ouais, tantôt. Ben, c'est là. Bon retour sur la deuxième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 17 au 23 janvier 2011. J'ai l'impression que ça fait à peine 1 minute 44 que je vous ai parlé. Il me semble que ça fait pas beaucoup de temps. Stéphanie Gagné. Oui. Tu viens d'arriver. Salut. Allô. Ça va? Oui, ça va. Quelle belle journée. Ah, oh, tellement. Oui. On aime ça, les journées comme ça. Ah, mais on se fait plaisir en jouant de la très, très bonne musique pour Une se chance. Mettre de bonne humeur et mettre les gens de bonne humeur à la maison, où qu'ils soient. C'est dit, oui, Mathieu. Dit de façon un peu armée, je trouve, là. Hein? Hein? Ça a l'air méchant. Bon. On est rendu où, là? On est rendu aux 13e position. Ben, excellente question, en effet, 13e position. Excellente question à laquelle tu t'es répondu toi-même. Oui, je suis perspicace comme ça. Ben, tout à fait. Donc, du côté anglophone, on va entendre Chili Gonzalez avec Never Stop. Ça monte de 6 places. C'était nouveau la semaine passée. Mais on va commencer avec un groupe chouchou de nos studios ici, Ariel, avec la pièce Mauve qui descend de 2 positions. Au 89 FM, c'est les Palmarès, c'est fou. Qu'est-ce que c'est déjà, les Palmarès, c'est fou? C'est un... condensé. De la... meilleure musique. Que... que c'est fou à vous offrir. Bah, hein? Ça a coulé, ça, c'était... ça flot bien. Ça flot, en effet. Flux, plus... Tu de moi, amour. numéro 13. Give me the fevers that just won't break. and take it back out to the streets where you know you used to be. For the Romeos of town, if I bring you down and you're tired of those vows and you really want. Gaslight Anthem avec la pièce Bring It On, c'était à la 12e position et ça baisse de 6. Avant ça, du côté franco, c'était on a sauté par-dessus Jérôme Mignard avec des pieds et des mains, ça descendait de 2 places. On est rendu au 11e, mais avant ça, Stéphanie, est-ce que je peux te déranger un peu? Vas-y donc. Je peux te demander ton aide avec le reste des palmarès? Oui, allons-y. Bon, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement le top 20 franco et le top 20 anglo, c'est aussi le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 loud et le top 10 électronique. On va commencer par le top 30 des CD. Il n'y a pas de nouvelles entrées, par contre, le top 3 ressemble à ça. Weezer en 3e avec Early. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Black Mountain avec Wilderness Heart. Et en 1e, c'est Hooded Fang qui monte d'une place avec Hooded Fang Album. Pour le top 3 des 10 canadiens, 3e position, c'est Atomic Baobab avec leur EP. 2e position, Black Mountain avec Wilderness Heart, qui était numéro 1 la semaine dernière. Et numéro 1, Hooded Fang avec Hooded Fang Album. Dans le top 10 électronique maintenant, plusieurs nouvelles entrées. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5. En 9e, c'est Games avec That We Can Play. Donc, Games That We Can Play, j'imagine que c'est la phrase au complet. En 6e, Clan of Zymox avec Hidden Faces Reissue. En 5e, Braids avec Native Speaker. En 3e, Junip avec Fields. Le numéro 1 est aussi nouveau, oui. Mais avant ça, on va faire le numéro 2. Hein. Ça a monté d'une place. Death in Plains avec Unreleased Demo Past. Et le numéro 1, comme je disais, c'est nouveau. MF slash MB slash. Avec Folded. Pour ce qui est du top 10 loud, il y a deux nouvelles entrées à la 2e et à la 1e position. Donc, je vais commencer par la 3e, Aggressor avec Staring Down at You qui est stable. 2e position, comme je disais, nouvelle entrée, Electric Wizard avec Black Man Masses. Et à la 1e position, The Ghost avec Opus Eponymous. Bon, mais merci, Stéphanie. On a fait le tour. Aussi vite que ça. C'est simple, hein? On est rendu aux positions numéro 11 des palmarès. C'est fou maintenant. Du côté anglo, on va entendre Winter Sleep avec Preservation. Ça descend de la 7e place. Et côté franco, Cafard avec Halogène, qui était une nouvelle entrée la semaine dernière. Hallo! Hallo, Jeanne! Mettons que quelqu'un s'appellerait Jeanne. Ah ben non. J'ai jamais connu quelqu'un qui s'appelait comme ça. Jean en anglais. Comme Billie Jean. Non.

Cafard avec Halogène, position numéro 11, ça monte de 9 places. Oui, on vient juste de parler, mais ça comptait pas. C'était pour parler, pour rire de nous-mêmes. Parce qu'on est tellement comme ça, on rit de nous-mêmes. Ça nous rend plus humains, hein? Ouais. Parce qu'on est humains. En tout cas, moi. En tout cas, aux dernières nouvelles. Hein? C'est ça, c'est ce qu'on nous dit. Avant Cafard, on a entendu la position numéro 11 anglo, Winter Sleep avec Preservation. Voilà pour ce bloc de 11e position. On va aller directement au 10e. Du côté anglo, c'est Nines and Nat avec Tell Me qui descend de 5 places. Et côté franco, Golden Collider avec Sound Central. Sound c'est Central. Franco, hein? Oui, c'est ça. Sound Central. Sound Central de Golden Collider. Collider. C'est le du verbe collider, évidemment. Voilà. Voilà. Vous êtes au palmarès, c'est fou. 89,1 FM. FM. Ou MF en français, apparemment, mais personne ne sait. C'est vrai? C'est laid, mais c'est vrai. Feeling

the splashing jangle of a secret science defined. You claim some golden age is upon us. You always love short story form, the science behind it, the hidden doors. You live for flame in the attraction's noon, the levers pulled from a secret room. Closed our spare into morning sun, when the dots form into connection. If I'm honest, you come to mind, but baby, I'm not. If I'm honest, you come to mind, but baby, I'm not. The improv's polished into a game script. We stare in wonder at the steps we skipped. Tripping wires we have so carefully crossed. The science behind New Pornographers et la pièce My Shepherd, position numéro 9, ça monte de 6 places. Et avant, du côté francophone, c'était Vulgaire Machin avec une chanson acoustique qui monte de 7 positions. Eh ben! C'était un beau bloc, ça. Très bon. Mais ils sont tous beaux. Tout à l'heure, on va avoir un autre beau bloc, c'est les positions 8. Il va y avoir Hôtel Morphée et Diamond Rings. Mais avant ça, on fait pause sur le palmarès, c'est fou. Pause. C'était en effet une pause. Voici la collègue Guess What. Ah, ben oui, ben là, attends un peu, là, j'ai fait pause, mais j'ai pas reparti mon thème fort, par exemple. Bravo, bravo. Voici la chronique Guess What? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Il avait l'air gêné, on dirait qu'il chuchotait. Guess what? Devine quoi? Il y a des nouvelles artistiques et culturelles avec Stéphanie Gagné. Je l'aime tellement, cette chanson-là. C'est épouvantable. Tu parles trop fort. Je m'excuse, mais là, si je veux que le monde entende mes belles nouvelles... Ah, OK, t'as le droit, c'est correct. Ouais, en plus, je vais commencer par deux choses vraiment intéressantes. C'est deux recherches qui ont été faites par rapport à la musique que j'ai trouvées sur exclaim.ca. Premièrement, écouter de la musique peut nous rendre plus intelligents. Ah! Oui, oui, on oui. en est la preuve, hein? Pas sûr. En fait, ça permet de fabriquer... Bon, j'ai pas le jargon scientifique, là, mais ça fabrique des nouveaux sentiers neurologiques dans ton cerveau qui permettent de connecter différentes places ensemble. C'est bizarre, je comprends rien. On n'est pas plus intelligent finalement. Non. Mais bon, vous pouvez aller voir, c'est y a un neurologiste, Oliver Sacks, qui prône vraiment beaucoup ça. C'est drôle qu'il fasse une étude sur la musique qui s'appelle Oliver Sacks comme un saxophone, tu sais. Non, mais c'est pas avec un X. Ah, c'est S-A-C-K-S. Oliver Sacks. Ça, c'est... OK. Ça, c'est plus sexuel que d'autres choses. Il y a un X dans sexuel aussi, pas dans ça. Non, non, je parlais d'un sac de... OK. On poursuit. L'autre recherche... C'est que, tu sais, on aime beaucoup la musique. Et évidemment, tous les animateurs, ça aide si t'aimes la musique. J'espère les auditeurs aussi. Mais, mais on sait pas nécessairement pourquoi. Et y a une étude scientifique qui ont découvert que le cerveau génère de la dopamine qui produit du plaisir. En fait, il y a une étude qui a été faite à l'Université McGill et ils ont découvert que le cerveau réagit sensiblement de la même façon en écoutant de la musique qu'avec sexe, nourriture et certaines drogues. Ah oui? Oui, le cerveau réagit de la même façon. Wow. Fait que c'est pour ça que la musique est si populaire et si généralisée et que c'est assez populaire dans plusieurs cultures. Très intéressant. Eh bien, tu peux devenir accro à de la musique autant que tu peux devenir accro à de la nourriture et accro à de la drogue. Aussi. Oui. T'es Gwen Sarah, par exemple. Je vois pas de quoi tu parles. Non. Bon, ensuite de ça, je vais poursuivre avec d'autres nouvelles vite fait. Diamond Rings va faire la première partie de Robin. Ils ont deux spectacles qui sont au Québec la semaine prochaine, le 27. La semaine prochaine, ça va être à Montréal, au Métropolis. Et le lendemain, le 28, ça va être à l'Impérial du côté de Québec. Donc, si vous voulez voir ça. Là. Est-ce que c'est bon, ça, Robin? Parce que j'ai jamais entendu de Robin, sérieusement. Je l'entends souvent parler, mais j'ai jamais écouté. Je pense pas que toi, t'aimerais ça, Mathieu. C'est pop. C'est très pop. Très pop. Électro. Ah. Tu peux mettre ça dans un bar, puis le monde va capoter. Est-ce que c'est à la LaRue? Électro. Un peu, oui. Okay. Un peu à la LaRue, mais c'est comme plus meilleur. Oh! Ah oui? Ouais. J'aime bien LaRue, par exemple. Je m'en cache pas, là. Ouais, mais c'est ça, Robin, c'est super bon. Puis ce qui est le fun, c'est que elle a fait de la musique très pop. Donc, elle pourrait être des exemples pour beaucoup de jeunes, contrairement à d'autres comme Kesha qui parle de drogue, et etc. dans ses chansons. Alors que Robin, c'est beaucoup plus... Les paroles sont bien meilleures. Bon. Tout est meilleur. Parfait. Peut-être irai-je écouter. Tu devrais. Bon, merci. Ensuite de ça, Pete Doherty, qu'on connaît des Libertines et des Baby Shambles, va jouer dans un film avec nul autre que Charlotte Gainsbourg. Le film va s'intituler « Confession d'un enfant du siècle ». Ça se déroule dans les années 1830 et l'histoire tourne autour d'un triangle amoureux et le tournage a déjà commencé. J'ai hâte de voir ça parce que je suis vraiment fanatique de Pete Doherty. Je l'aime beaucoup. J'ai hâte de le voir comme acteur plutôt que chanteur et bad boy anglais. Je l'aime beaucoup. Ensuite de ça, il y a plusieurs clips qui sont sortis récemment, dont un, guess what? Hein? Oui! Non! Un clip, oh mon Dieu, il est trop drôle. C'est tellement un des clips les plus drôles qu'il y a. Là. Ah oui. C'est vraiment gros stéréotype. Ça commence sur une piscine avec des pitounes qui sortent avec leur maillot de bain, plus des slow motion, là, tout le kit. Là. C'est vraiment drôle. Mais il rit de plusieurs stéréotypes là-dedans. C'est hilarant. Là. Mmh. Ils sont vraiment, vraiment cool. Là. Et c'est la pièce qu'on entend à l'arrière-plan. À l'instant. Oui. C'est ton intro. Oui. Je voulais la faire jouer, mais je me suis dit, ah, on la joue déjà dans l'intro de chronique, c'est correct. Mais allez voir le clip, c'est tellement drôle. Et ensuite de ça, Alex Nevsky sortit un nouveau clip pour la pièce « Mille raisons » et Tudor Cinema Club pour la pièce « What You Know », un vidéoclip très coloré, très anglais, j'aime bien. Ensuite de ça, est-ce que tu connais le festival Coachella? Oui, le nom me dit quelque chose. Ça se passe en Californie, c'est vraiment un gigantesque festival. C'est dans un des plus populaires, là, si on pense par exemple à Glastonbury. Là. Mais de notre côté de l'océan, c'est un des plus gros. Et ils ont sorti le line-up. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes hyper intéressants. Et il y en a beaucoup. À chaque journée, je vais rapprocher mon ordinateur pour essayer de vous en nommer le plus possible. Pourtant, laisser les lunettes. Là, mais... Robin, Crystal Castles, Brandon Flowers, CeeLo Green, Sleigh Bells, Cold War Kids, Tame Impala, Warpaint, Pains of Being Pure at Heart, Rural Alberta Advantage. Ça, c'est juste une journée, OK? OK. Puis il y en a plein d'autres, là. Regarde. Il y en a beaucoup. Wow! C'est écrit petit, c'est vrai, t'as raison. Oui, je suis pas capable de lire. C'est vraiment minuscule. Ça rentre pas dans l'écran. Ensuite, Arcade Fire, Animal Collective, Mumford and Sons, Broken Social Scene, The Kills. C'est épouvantable. The Strokes, qui ont annoncé pour de vrai leur prochain album, là, qui va s'intituler Angles et qui sort au mois de mars. Chromeo, Death From Above, 1979, Duran Duran. Ah non, pour vrai. Ouais, Neon Trees, Jimmy Eat World. En fait, beaucoup de bons groupes. Je sais que c'est loin, mais ça vaut tellement la peine si vous avez un peu le budget pour, là, pour vous promener jusqu'en Californie. Mais si vous avez le budget, allez-y. C'est vraiment le festival à voir. Je pensais que Dead From Above était mort, mais s'il existe encore, c'est cool. Mais oui, ils vont sortir un nouvel album. Ah oui. Oh my God, la liste est tellement longue. Trop de musique à écouter, qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est ça. Donc ça se passe du 15 avril au 17 avril, si ça vous intéresse. Autre nouvelle un peu plus triste, Rare Riot ont perdu leur drummer Gabriel Duquette. Ben non. Mais il semble pas s'être quitté en mauvais termes. Ok, il est pas mort. Non. Okay. C'est des batteurs qui meurent, là, ça va faire. Hein? Non, ça suffit, là. Okay. Bon, autre nouvelle. Il y a un site web que j'aime beaucoup, un blog d'une étudiante en ATM que j'aime beaucoup son site, c'est lecultureclub.com et elle a publié le 23 décembre dernier les 10 clips qui ont marqué 2010. Alors, elle a pas mis ses préférés, mais elle a mis, mettons, le plus coloré, Ave Mucho de Mr. Valère. Il y a plein de différents clips que vous pouvez aller voir qui sont très cool. Le plus mainstream, le plus folklorique, Dekshu de Radio Radio. Le plus travaillé, This Too Shall Pass de OK Go. Ouais. Le plus vide, le plus controversé, Born Free de MIA, que c'était contre les roues. Il essayait d'exterminer les roues. Je sais pas si t'avais vu ça. Non. Très bizarre. Ah, cette blague-là, sérieusement, ça a fait le tour. Je pense qu'on peut, comme finir ça. Non, mais justement, c'était son vidéoclip, c'était contre la... Non, c'était pas pour rire, non, c'était, du tout. C'était contre les gens qui font les blagues. Qui discriminent. OK, bon, parfait. Bon, j'approuve. C'est bon. Ça. Le plus gros succès franco avec Stromae, le plus vu, Lady Gaga, le plus artistique et le plus innovateur, celui que j'avais déjà parlé dans une chronique, celui de Arcade Fire pour The Wilderness Downtown, ouais. C'est celui avec les différentes fenêtres et qu'on on rentre notre adresse de où est-ce qu'on a grandi. Alors, très interactif. Oui, très interactif et ça a parti aussi une vague de vidéoclips interactifs. Et aussi sur le même blog, OK, ça c'est du passé, tout le monde l'a déjà vu, mais je voulais le mentionner. Le clip de Normand L'Amour avec Mr. Valère qui chante l'amour. Tu nous parles vraiment de ça, là? Okay. Oui! Normand L'Amour. T'as pas vu le clip? Non. Oh mon Dieu, c'est un petit vidéoclip où ils chantent Normand L'Amour et Mr. Valère ensemble. Ah ouais? Oui, acoustique, c'est super cool, wow. C'est vraiment mignon. Ça me rappelle, il y a une semaine, tu connais l'émission C'était fou que j'anime maintenant les jeudis à 13h. Oui! J'ai regardé dans des vieilles feuilles, puis on avait déjà eu Normand L'Amour sur nos palmarès. Je savais pas ça du tout, ça m'a vraiment impressionné. C'était ouais. Écœurant, ça? Ben, peut-être qu'on devrait le jouer. Si ça a déjà été sur le palmarès, c'est pas de raison de pas le jouer. Hein. Bon point, ben, bon ben. Point. Eh ben. Bon, bon, dans mes dernières nouvelles, ça va être vite fait, c'est les albums qui ont été annoncés, qui vont sortir bientôt. 15 février, Armistice, c'est le nouveau projet de Jay Malinowski et de Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate. Ils vont sortir un EP le 15 février prochain. On peut déjà entendre un single qui est Mission Bells. Je sais pas si tu t'en rappelles, on l'avait fait jouer l'été dernier. Ouais. Mais c'était acoustique, mais là, la chanson est sur, va être sur l'album et je vais justement faire jouer la pièce dans mon émission tout à l'heure. Quelle info pub! Une pêche en mission, c'est les jeudis 17 heures. À 17h. En rappel à quelque part ailleurs dans la grille. Merci Mathieu. Je pense que c'est les mardis. Oui. Je pense que c'est à 13h, mais je suis pas sûr. Même date, 15 février, The Deers qui vont sortir Degeneration Street. Ensuite de ça, 15 mars, Rise Against qui sort leur sixième album, Endgame. Au mois d'avril, il va y avoir un nouvel album de Malajube. Je me peux plus, j'ai vraiment hâte au mois d'avril. Ah, ça va être écœurant. J'aimerais ça faire un fast forward au mois d'avril. Puis moi, je souhaite avoir jusqu'en 2012, fin 2012, ça veut dire un an et trois quarts, là, de pièces au palmarès de Malajube. Mais c'est sûr que ça va être ça. À toutes les semaines, il faut qu'il y ait une tune de Malajube. Ouais, ben ça va être à un moment donné, ce sera pas une nouvelle tout le temps, hein, voyons. Non, pas tout le temps. Okay. On piscine pas. Mais qu'il y ait à chaque semaine qu'il y en ait une. Oui. On refait jouer la pièce? C'est clair. Elle est longue, hein, ma chronique? Pas grave. Parfait. Ça. Bon, moi j'exauce tes vœux là, comme tel un avec un dans le. Tel un dans le. C'est ouais. Ça. 4 avril, Glass Vegas qui vont sortir leur troisième album Euphoric Heartbreak. Et finalement, Dallas Green, alias Cillian Color, travaille sur un troisième album. Son dernier album date de 2008, Bring Me Your Love. Et on ne sait pas encore grand-chose sur cet album-là. Mais ce qui est fun, c'est qu'il va nous tenir au courant durant tout le processus en studio et tout ça sur le site cillyandcolorinstudio.com. Donc, il va mettre des vidéos, des photos, etc. Donc, on va tout pouvoir voir le processus jusqu'à temps que l'album sorte. Wow! Wow! Wow! Tegan and Sarah aussi avait fait ça pour Sainte-Hood. Ben oui, hein? Faut toujours que ça revienne à Tegan and Sarah avec toi. Tout le temps! Alors voilà, c'est tout pour mes nouvelles. Il était temps, hein? C'est super, merci. Non, mais c'est rare qu'une chronique dans les palmarès dépasse 10 minutes, donc on est très, très contents. Autant que c'est rare dans Assemblage requis qu'on va en bas de 20 minutes. On a deux extrêmes dans les émissions, c'est pas pire. Alors, on va écouter une pièce de Glass Vegas que j'ai dit vont sortir un nouvel album le 4 avril prochain. La pièce s'intitule « It's my own cheating heart that makes me cry ». Ah, son, au palmarès, c'est fou! Dans le blog Guess What de Stéphanie Gagné. Well, I fit in and teardrops rain down on me tonight. I think I'll make it up, faking up stories is alright. Tick tock, stop the clock, faction is my thing. My attitude is always eyeing me in my. Oh, I'm so clever, I'm so clever, I'm so clever. Got me in this fucking mess. Photos and the truth is being told. A cloud has gathered to my head and now I know, yeah. Infidelity and my good friend ecstasy does not work, it makes you worse. I'm feeling so guilty about the things I said to my mom when I was 10 years old. I'm feeling so guilty for any old shit. And how I think my missus is fucking every guy. Yeah. It's My Own Cheating Heart That Makes Me Cry de Glass Vegas, tiré de leur premier album intitulé Glass Vegas, album homonyme. Dans la chronique Guess What de Stéphanie Gagné. Oui, et là, on a eu toute une nouvelle en plein milieu de la pièce. J'ai vu justement, je vous parlais tantôt du blog que je suis à tous les jours, le Culture Club. Vous pouvez aller voir sur Facebook un site que je suis tout le temps. Et là, pendant la pièce, il s'est affiché, ça y est, on a une date. Le nouveau Malajube sortira le 19 avril. Un album joliment titré La Caverne et on peut voir un teaser qu'on va écouter maintenant. Voilà. Ah, oh, ça arrête là! Je sais, ça arrête direct au moment où on embarque. Frôlant le dos, puis... Frissons, intelligence qui rentre dans notre cerveau parce mettons, qu'on aime ça. Oui. Oui, parce que dans la recherche, ça disait que quand tu as des frissons, ça augmente encore plus. Ah oui, tu vois, j'avais déjà oublié ça. Mais, mais merci, par exemple, c'était vraiment très, très bon. Ton petit blog, Guess What? Merci. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte au 19 avril. Ah, moi aussi. On va partager des beaux moments pendant, comme tu disais, au moins un an et demi, deux ans peut-être. Oui. Disons qu'on les trait le pis. Jusqu'à la dernière goutte de lait. Ouais. Ouais. Ou comme le dernier jujube au fond d'un sac. Ouais. Aussi. Ou comme la dernière framboise dure dans... proche du gambrinus. Proche, hein? Mes framboises sont des... tout le temps secs. Au gambrinus? Ben, je suis la seule. Non. Ah! Ah. Ben là, faudrait que tu l'as dit, ça, peut-être? Pas grave. Ouais. Continuons. Oui, tout à l'heure, plus tôt dans l'émission, on avait mis sur pause notre palmarès C'est fou, donc on peut y revenir maintenant. Ah, ben voilà, on est revenu dans les palmarès C'est fou. We're back. C'est merveilleux. On était rendu aux positions numéro 7 du... 8, pardon. Du côté anglophone, la 8e, c'est Diamond Rings avec Something Else. Et côté franco, Hôtel Morphée avec Novembre et Mort qui monte de 5 positions. On écoute ça tout de suite. Au palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir au 89F. Ça, j'ai essayé de dire tantôt, ça n'a pas marché. Non, je sais. Faut l'avoir de même. Tout fait dans la tête, mode automatique, tu y penses même plus. C'est n'importe quoi. Thank you. numéro 8. Avec la pièce Something Else à la 8e position, ça monte de 6. Alors ça, du côté franco, c'était Hôtel Morphée avec Novembre est mort, ça monte de 4 places, 5 places même. 5 places. C'est la fin de la deuxième heure, mais on est comme légèrement en retard. Un peu. Donc on revient avec une troisième heure, les meilleurs moments d'assemblage requis et le top 7, mais pas au complet. Alors restez avec nous. C'est des palmarès, c'est fou. It's Crazy Countdown. C'est le Crazy Countdown. 89.1. Ah, c'est fou, là, bon, c'est la troisième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 17 au 23 janvier 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Quand on s'est quitté, on s'était dit qu'on était un petit peu pressé dans le temps. Un peu, fait qu'il faut parler vite. C'est ça, on parle vite. On va aller directement en opposition numéro 7. Par contre, on saute par-dessus l'anglophone. Final Flash avec The Awakening. Ça descend de 3 places. Alors, on va écouter la 7e position côté francophone. Jimmy Hunt avec Everything Crash qui reste stable. Ensuite, on entendra les 6e positions. Paul Carniello avec La Course des Loups. Et en anglo, Soufiane Stevens avec I Walk au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Et puis après ça, c'est les meilleurs moments d'assemblage requis. T'sais, ça s'appelle un instant classique, comme dans les instants classiques. T'sais. On a... Ou classique instantané. Les deux barres marchent. C'est le même. Arrête de bailler, là, voyons. Je m'excuse. J'ai mis du gaz pour te faire dans l'iPod de Mariana. Elle m'a donné son Jack et Me Too et le best of des Éthiopiens. Everything crash. Chacun sa trompe sonore, on est resté des heures dans sa chambre. Marianne m'a repoussé quand j'ai voulu mettre ma main en ses jambes. Everything crash. J'ai mis du gaz pour te faire l'iPod de Marianne. Mais j'ai gardé son Jackie Me Too et le best of les Éthiopiens. Everything crash. Je vais devoir me rassembler tous les jours en rêvant ses mains. Everything crash. Je suis parti au foie sans dire au revoir à Marianne. Mais j'ai gardé son Jackie Me Too et le best of les Éthiopiens. Everything crash. Le soir

Dans cette position numéro 1 anglophone, Old Fangs de Black Mountain en 5e position anglophone. Un album que je me suis procuré durant le temps des fêtes. Ah vraiment, t'aimes ça tant que ça? Ouais, ben oui, t'as raison, il y a un C'est pas la meilleure pièce, mais il y a beaucoup d'autres pièces qui sont très bonnes. Entre autres, la troisième, Radiant Heart, c'est une petite balade très bonne. Petite suggestion pour les palmarès peut-être? Ouais, absolument. T'as pas l'air sûr, mais bon. Alors ça, c'était du côté franco, Jérôme Dupuis-Cloutier avec Johnny Malaise qui descend de 3 places. On prend une petite pause. Après ça, on saute par-dessus nos numéro 4 qui sont par le fait même Martin Léon avec Prends-moi tel quel du côté franco. Et côté anglo, Danko Jones avec Magic Snake. Alors, on va entendre les positions numéro 3 en revenant à Dan avec Ligne secondaire en franco qui monte de 5 places. Et Weezer avec la pièce Hang On qui monte de 6 positions. Alors, restez avec nous. C'est fou dans vos oreilles. 89. numéro 3. Essaie de deviner le titre de la pièce, Mathieu. T'es un peu more than a friend. C'était Weezer avec la pièce Hang On à la troisième position. J'étais proche. Bon, avant ça, c'était Adam avec Ligne secondaire qui monte de 5 places. C'était le numéro 8, donc la semaine passée, maintenant en 3e place de l'album Diversion de cette formation qui s'appelle Adam, A-D-D-A-M. Si vous voulez aller sur MySpace, myspace.com/333. Adam, mais A-D-D-A-M. Bon, on est rendu au position numéro 2. Du côté anglo, on va entendre Hooded Fang. Ah, youpi, la pièce Laughing est stable en deuxième. Yay. Et un autre chouchou de ces fous, Vanessa Parietar avec la pièce Le reflet qui monte de une position. C'est un chou-fou. Un chou-fou. Ou un c'est fou chou. Un c'est fou chou. Un c'est fou manchou. Ça veut rien dire. Pas grave. On veut jamais rien dire. Down. and I feel like dancing on, dance with you. Two flat quarters leave me close to you, and as the days stumble by, I look to you. Times when it all seems so still, I'll be with you when the going gets going. Hooded Fang et la pièce Laughing. Juste avant, c'était Vanessa Paryetter avec Le Reflet à la deuxième position. Oui, deux deuxième position, hein, parce qu'on a un côté francophone et un côté anglophone. C'est pour ça qu'il y a deux pièces par numéro. C'est difficile à comprendre pour l'auditeur, mais sinon, c'est quand même une bonne idée. Hein. Ça va bien. Faut l'expliquer, c'est tout? C'est bon, pas de problème avec ça. Bon. On est rendu à nos positions numéro 1. Évidemment, on dit jamais c'est quoi nos positions numéro 1 parce qu'à un moment donné, faut se calmer le cran. Parce qu'à un moment donné, avoir du cran, c'est comme... Je trouve ça, c'est comme un affront. Là. Je me dis, coudonc, t'as donc bien du front, t'as donc du panache de me dire ça, toi. Et moi, comme d'habitude, je lisais les numéros 1 et je me demandais quel jeu de mots t'allais faire. Ben, est-ce que t'es en train de rire de mes jeux de mots? Je te trouve un petit peu chienne, là. Chienne. Chienne. Ouais. Ouais. Ouais, c'était pas malade, hein? C'était... Puis l'autre? Ah, non, c'est vrai, excuse-moi. J'y allais en deux phases, là. J'y allais comme une blague à la fois. Je séparais mes blagues en morceaux. Tu les découpais. Je les tranchais. Cut. C'est bon. Cut it up. Disons que c'est pas de la bombe, hein, tout ça. C'est pas de la bombe atomique. Non, ben non. Non, non c'est ça, c'est pas atomique. Bon, ben c'est ça. On passe au numéro 1. Et puis on vous explique les blagues après. Hilarant. Ouh! Hilarant. Ouh! Woo! De nos palmarès de chaque côté, mais avant de dire les numéros 1 et de révéler les hilarants jeux de mots qu'on a fait, faisons un top 3 de chaque côté. Du côté anglophone, c'est Weezer en troisième avec Hang On, en deuxième, Hooded Fang avec Laughing, et en première, ça a monté de 19 positions, c'était nouveau en 20e la semaine passée. Wow! Atomic Baobab, hein, bombe atomique, blablabla. Et la pièce Cut It Up, déchirer des blagues en morceaux. Excellente pièce, je l'adore. Côté francophone, troisième position, c'était Alan avec Ligne secondaire qui montait de 5 positions. Deuxième position, Vanessa Perrietter avec Le Reflet. Et qui reste stable à la première position, c'est Panache avec Bouvier Bernois de l'album Panache. Tous les jeux de mots avec Avoir du front, du panache, et puis t'es dans mes chiennes de rire de mes jeux de mots. Bouvier Bernois. Génial. Chien. C'est la fin des palmarès, c'est fou pour cette semaine incroyable qu'on a eue du 17 au 23 janvier 2011. Stéphanie reste avec les auditeurs du jeudi pour son émission Une pêche en mission. Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Plein de bonnes choses. Malajube, OK Go, La Patère Rose, DXX, Metric, hey, etc. C'est la première de ta nouvelle saison d'hiver, ça? Yes, monsieur. C'est 48e émission. Ah oui? Tu comptes ça, toi, de même, avec chiffres, là, et puis ben, très belle appui. Parce que je les enregistre sur mon ordinateur. À chaque semaine, j'enregistre un nouveau. C'est fou, 48. Une vraie bibliothécaire, quoi. J'aime ça, moi, j'approuve. Les auditeurs du vendredi vont nous quitter pour aller rejoindre les Lutins de l'Enfer à partir de 20h, donc soyez à l'écoute pour ça. Moi, je vous retrouve lundi matin à 7h pour Assemblage requis, et Stéphanie va être là avec sa chronique Ton plat favori. Tu sais quoi ton plat favori cette semaine? Ouais? Oui, je sais déjà, je l'avais choisi à la dernière session. Surprise, alors! Lundi entre 7h et 9h. Soyez de retour la semaine prochaine, jeudi, à partir de 13h pour C'était fou, et puis à 14h pour Les Palmarès C'est fou, ici même au 89FM. On se quitte avec la pièce Always de la formation suédoise Junip. C'est tiré de l'album Feels, qui est en troisième position du palmarès électronique. Et à la semaine prochaine, jeudi 13h. Bonne émission, Stéphanie. Merci, Mathieu. Et bonne fin de semaine, les palmiers. À lundi. Bye.